Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise et les citadins de toutes les couches sud-coréennes ont tenu le 4 à Séoul un rassemblement de premier mercredi de cette année devant l'ambassade japonaise. Les orateurs ont critiqué Park Geun-hye qui s'obstine à se justifier au lieu de s'excuser de toutes les responsabilités. Ils ont déclaré lutter toujours pour l'abolition de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise, les excuses officielles des autorités, l'indemnisation juridique du Japon, le monde sans guerre ni violence et l'avenir pacifique.